toutes et à tous, c'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 599. Vous vous rendez compte? La prochaine fois, la 600e. Nous sommes le 24 avril 2024 et l'album de la semaine sera Pipes of Peace de Paul McCartney en 1983. On écoutera Pipes of Peace, Say Say Say, avec Michael Jackson bien sûr. Il y aura Sweetest Little Show, il y aura The Other Me, Average Person et Through Our Love. Il y aura aussi du Lennon, du Harrison, du Ringo Starr et des Beatles. Pour Lennon, ce sera Number 9, Dream. Oh, j'ai mis Walls and Bridges, c'est sur Walls and Bridges. Un doute me traverse. Il va falloir regarder ça. Il me semblait que c'était sur Mind Games. Non, non, c'est sur Walls and Bridges. Bon, ok, ça va, tout va bien. George Harrison nous chantera Beware of Darkness sur All Things Must Pass. Quant à Ringo Starr, j'avais envie de vous proposer la chanson Photographe de 1973. Et puis finalement, je vous proposerai le redo. C'est-à-dire, il a réenregistré cette chanson en 2017 sur l'album Give More Love. On va écouter ça. Personnellement, je préfère la version de 1973. Et puis les Beatles, nous chanterons Norwegian Wood. Voilà. Pour le reste, eh bien, je vous invite à nous retrouver sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four pour commenter. C'est le topic qui est en haut avec la pochette de Pipes of Peace. Vous avez compris depuis un moment maintenant. Lorsqu'il y a un album de la semaine, il y a toujours l'album de la semaine en affiche. Voilà. À tout de suite. Bonne soirée à l'écoute des programmes de RG. C'est Thierry Gallet qui est votre hôte jusqu'à 22h. Et peut-être 2 minutes. À tout de suite. Enregistré quasiment en même temps que l'album précédent Tug of War, voici Pipes of Peace et le titre de la chanson Pipes of Peace, comme l'album. I light a candle to our love. In love our problems disappear. But all in all we soon discover that one and one is all we long to hear. All around the world, little children being born to the world. Got to give them all we can till the war is won. Then will the work be done. Comme le dit si bien John Lennon, ah, Bawakawa, poussé quand même. Hein. Il aime bien les trucs comme ça, il aime bien les trucs en berlificoté, comme Jai Guru, Dave, Home, etc. Bon, allons on a écouté Paul McCartney et John Lennon, voici George Harrison sur ce fantastique album de 1970, All Things Must Pass. Et cette chanson, Beware of Darkness, sur RIG 90.7. Watch out now, take a beware of falling swingers. Dropping all around you. The pain that often mingles 2017, après il y a eu 2019, dernier album avec 10-12 chansons, et après il est passé aux petits albums de 4 chansons, parce que pourquoi à ce moment-là a-t-il refait des chansons Ringo Starr? Je me pose la question, il faudrait lui poser la question, le seul problème c'est qu'il passe pas souvent en France, et il vient pas souvent à Bordeaux, ça c'est vraiment clair. Alors on écoute quand même, juste pour se donner une idée de ce que donne cette chanson-là, refaite en 2017 par Ringo Starr. C'est la chanson Photographe qui date de 1973. La voici en 2017. expecting me to live without you. But that's not something that I'm looking forward to. Tears I cried for you. I want you here to have an home as the years go by and we grow old and gray. Every time I see your face, it reminds me of the places we used to go. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, je vais voir ça sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. Je trouve que ça n'apporte rien, c'est même moins bien. Je trouve que l'orchestration de la version de 1973 est plus jolie que celle de 2017. Bon, alors pour l'instant, nous avons écouté Pipes of Peace, extrait de l'album du même nom, et l'album de la semaine aussi, de Paul McCartney. Il y a eu Number 9 Dream par John Lennon, Beware of Darkness par George Harrison, et à l'instant, Ringo Starr, Photograph Redo, donc refait, sur l'album Give Me Love de 2017. Avant d'écouter Norwegian Wood, il faut que je vous dise qu'il y a au moins trois sites qu'il faut absolument visiter pour tout savoir sur les Beatles. Le premier, c'est Maca Club, celui qui sait tout sur Paul McCartney et qu'il faut consulter absolument pour tout savoir. Mais on peut aussi parler des Beatles. L'autre, c'est yellowsub.net, qui sait tout sur McCartney, mais tout sur Lennon, Harrison et Ringo Starr. Bref, tout sur les Beatles. C'est aussi bien. C'est très très bien aussi. Et puis, il y a, en anglais, le site de Lovely Rita. Mais qui est Lovely Rita? Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez tout savoir sur les Beatles ou l'actualité de nos quatre amis de Liverpool, les tournées, les nouveaux CD, etc., faites un tour sur BeatlesMagazine.com 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est aussi sur Instagram, Twitter ou X si vous préférez. Et également Pinterest. Pensez-y, des millions de visiteurs chaque jour, les émissions connues sur les Beatles répertoriées partout dans le monde. C'est BeatlesMagazine.com. Merci Lovely Rita et vive les Beatles, les Beatles, les Beatles. She once had me. She showed me her room. Isn't it good? Norwegian wood. She asked me to stay and she told me to sit anywhere. So I looked around and I noticed there wasn't a chair. Sat on the rug, biding my time, drinking her wine. We talked until two, and then she said, it's time for bed. She worked in the morning and started to laugh. I told her I didn't and crawled out to sleep in the bath. And when I awoke, I was alone. This bird had flown. So I lit the fire. Isn't it good? Norwegian wood. ...1965 sur l'album Rubber Soul. Les Beatles essayaient de ne jamais répéter, enfin d'innover à chaque fois, de chercher des nouveaux sons. Lorsque George Harrison s'est intéressé à la musique hindoue, il est revenu avec un sitar. Et la légende dit que, lors de l'enregistrement d'un Norwegian Wood, on lui a dit « Oh, c'est un sitar, c'est super, est-ce que tu sais en jouer? Qu'est-ce que tu peux jouer ?» Et lui aurait répondu « Bah écoute, je peux te jouer Norwegian Wood. » Et c'est la première fois dans le rock, dans la musique pop anglo-saxonne, qu'on introduisait le sitar. Après, les autres l'ont fait, mais les premiers qui l'ont fait, c'est les Beatles. Donc, bravo les Beatles. Allez, retour à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est l'album Pipes of Peace de Paul McCartney en 1983. À cette époque, Michael Jackson cassait tout. Et donc, McCartney, qui n'hésite jamais à s'acoquiner avec des gens qui cassent tout, lui a demandé de venir faire une petite chanson avec lui, et ça a été un hit. Say, say, say. C'est sur RIG. Ça s'écrit pas pareil. two. Gonna knock you round the head. You better get yourself together. Pretty soon you're gonna be dead. It's all about when. C'est extrait du même album qu'il y a quelques minutes, là, quand je vous ai fait entendre Photograph Redo. C'est extrait de l'album Give More Love de Ringo Starr. J'allais dire Paul McCartney, je sais pas pourquoi. En 2017, voilà. Où en sommes-nous? Oh, les Beatles. Les Beatles par deux fois sur le même album, l'album Revolver. D'abord, je vais vous proposer Je ne fais que dormir. Quand on voit le rythme que soutenaient les Beatles durant les années 60, avec des 45 tours qui n'étaient pas sur les 33 tours, souvent deux 33 tours par an, souvent dans le même temps, un film, et puis des tournées. Non mais je fais que dormir, faut pas rigoler quand même. Néanmoins, c'est bien chanté, et c'est John Lennon et les Beatles sur RIG. See you. Animateur radio, un homme et les Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. In the town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found the sea of green. Écouter quelque chose qui n'était pas prévu au programme et j'espère que j'ai choisi la bonne chanson. In the place where I was born. Ça n'est pas très long, mais c'est la surprise du coffret Revolver qui était sorti il n'y a pas très très longtemps. J'ai toujours cru que Paul McCartney était l'auteur quasiment intégral de cette chanson-là, Yellow Submarine, ça lui ressemble trop. Or, vous avez entendu John Lennon chanter, et puis John Lennon avec du John Lennon habituel, c'est-à-dire dans la ville dans laquelle je suis né, tout le monde s'en fout. Bref, le John Lennon qui est déprimé tout le temps. Alors que c'est devenu quelque chose de beaucoup plus enfantin, beaucoup plus sympa, et qui a collé au basket de Ringo Starr, parce que Ben, ça lui va très bien, Ringo Starr, de chanter ça, hein. Bon, voilà. C'était un petit détour comme ça que j'ai eu envie de faire pour vous dire que c'est intéressant d'acheter les coffrets aussi parce que quand on est fan des Beatles, eh bien, on y trouve son compte. Évidemment, si vous découvrez les Beatles, ça peut être moins intéressant. Et encore, je suis pas sûr. Allez, retour à l'album de la semaine, l'album Pipes of Peace de Paul McCartney en 1983 avec cette chanson, Sweetest Little Show, et ce sera Sweetest Little Show in Town. Mais le titre, c'est Sweetest Little Show. Prenez des notes. The sweetest little show in town. You got the sweetest little show in town. You've been around a long time, but you're still good for a while. And if they try to criticize you, make them smile. And if they treat you like a brother, you will never, never let them down. But if they treat you like a lover, they got the sweetest little show in town. They got the sweetest little show in town. You got the starting over. 10.7, la radio des Beatles. Franchement, en 1980, il était revenu au top de sa forme, John Lennon. Il avait dit d'ailleurs dans une interview, j'ai 40 ans, je me sens bien et j'ai tout l'avenir devant moi. Hélas, il avait dit ça, mais il ne savait pas, forcément. Bon, et cette chanson-là, ben justement, on recommence tout. C'est une très, très, très belle chanson. Je vous propose Ringo Starr sur l'album What's My Name en 2019. J'en ai parlé tout à l'heure, je crois que c'est son dernier album en tant qu'album. Après, il a fait des extended play, donc des albums plus courts, parce qu'il trouve que c'est mieux. Comme ça, il peut en sortir deux dans l'année, au lieu de se faire du mal, il peut en sortir un à une date précise. Bon, si tu veux, tant que c'est pas trop cher. Et puis, tant que c'est de qualité. Voici, c'est un bon album, l'album What's My Name. Voici Better Days. Vous allez aimer cette chanson-là, si vous ne la connaissez pas déjà, bien entendu. Ringo Starr, sur RIG 90.7. For one more go round, hold on even though the names will change. Some of us make it to the other side, others didn't and who knows why. For those who've gone astray, it still remains. Better days about to come, better days about to come. Better days, don't child, they're gonna blow your mind. Better days about to come, feeling beating like a drum. So you better grab the tighter hold tonight. Better days about to come. Take the picture quick right now. Make it last for one more go round. Hold on before the curtain falls. Survive those nights at the troubadour. Rainbow seemed a life ago. Backed up Monte Carlo, sold it all. Yes, I did. Better days about to come. Better days about to come. All right!

myself in times of trouble. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Chanson. Quelquefois, je me reproche de ne pas passer assez souvent ces titres-là, sous prétexte qu'ils sont trop connus. Oui, ils sont trop connus. Mais ça fait du bien de les entendre relativement régulièrement. Bien. Ça, c'est un mauvais point pour moi quand je reproche à Paul McCartney de ne mettre que les mêmes chansons dans ses shows. Oui, ben, la preuve, Let It Be, c'est bien. D'ailleurs, il a chanté récemment, Paul McCartney, Let It Be, et Malheureusement, c'était pas la voix là. Mais bon, c'est normal, il a 82 ans cette année, et puis Mick Jagger lui a une très belle voix. C'est donc dégoûtant, mais c'est comme ça. Et puis s'il vient en France, eh bien j'espère qu'il viendra. De toute façon, je pense même, ça m'étonnerait qu'il n'achève pas un tour du monde. Même si c'était sa dernière tournée, il ferait un tour du monde en entier, et non pas laisser une partie des gens sans le voir. S'il vient sur Paris, ce sera sans moi. J'ai décidé ça comme ça, par manque de sous et parce qu'il ne change pas assez ses chansons. Et parce que la voix, malheureusement, ça fait mal. Même si je reconnais que quand on est dans le concert, on lui pardonne tout. Parce que c'est Paul McCartney, parce qu'il a un charisme extraordinaire.

Je vous propose sur un album qui est sorti en 2012, un album qui s'appelait Long Wave, je crois. Voyons voir. Oui, c'est ça, Long Wave. D'ailleurs, c'est amusant puisque Ringo Starr avait sorti un album qui s'appelait Old Wave en 1983. Bref, il reprend une chanson qu'a chantée Ringo Starr en 1970. Cette chanson, c'est Love is a Many Splendid Thing. Voici la version de Jeff Lynne sur RIG. Il a fait ça façon Electric Light Orchestra et c'est très très très bien. Pour la chanson suivante, je vous propose pour la première fois une chanson signée McCartney-Lennon. Oui, James McCartney et Sean Lennon. Voici leur premier titre co-composé, enfin composé ensemble. C'est extrait d'un nouveau single qui s'appelle Primrose Hill. Je vous le propose sur RIG dans la saga des Fab Four. There was not long enough. Ce n'est que la deuxième fois que j'écoute cette chanson. Je serais tenté de vous dire, ça s'écoute. Est-ce que je l'aurais écoutée de la même oreille si elle n'avait pas été signée McCartney-Lennon? Je ne peux pas vraiment le dire parce que la voix est traînante. La voix, c'est pas extraordinaire, quoi, c'est ça. Par rapport à l'autre duo Lennon-McCartney. Enfin bon, hey, on fait ce qu'on peut. Hein. La chanson suivante va faire plaisir à Stella, celle qui a gagné, vous savez, pour les 40 ans de la saga qui ont été diffusés il n'y a pas très très longtemps. Elle a gagné l'album Living in a Material World de George Harrison, sorti en 1973. Voici une chanson extraite de cet album-là, Who Can See It, sur RIG. version de travail de cette chanson-là était Make Love Not War. Et puis il s'est dit, c'est un petit peu déjà dit ce genre de truc-là, donc je vais l'appeler autrement. Il l'a appelé Mind Games, tout en rajoutant à la fin, I want you to make love not war, I know you've heard it before. Je veux que tu fasses l'amour pas la guerre, je sais que t'as déjà entendu ça. Bon, et si nous revenions à l'album de la semaine? L'album de la semaine, c'est Pipes of Peace, en 1983, et le morceau que je vous propose, c'est Average Person, Paul McCartney, sur RG. McCartney here, and you're listening to RG. Widescreen Radio. I know it isn't easy to refuse. simple, it makes me wanna cry. So simple, make you wanna cry. Date a été réintroduit sur l'album Pipes of Peace lors de remasterisation, je crois que c'est celle de 1993 là, que j'ai, parce qu'il date de cette époque-là. Et pourtant, il n'est sorti qu'en 1986, soit 3 ans plus tard, sur un album très rare que j'avais acheté à l'époque, mais oui, qui s'appelle The Anti-Heroin Project. It's a Live in World, je crois, ou Live in World, je ne sais plus exactement, j'ai pas le titre complet sous les yeux, j'ai pas l'album sous les yeux. Mais c'était bien. Et donc, ça valait le coup que j'achète un double album, si je me souviens bien, juste pour cette chanson. C'est ça, quand on est fan, qu'est-ce que vous voulez? Et puis, je faisais déjà la saga des Fab Four. Rappelez-vous, 86, j'ai commencé en 84. Donc, tout s'explique. Bon, il est bientôt, je vais passer l'antenne à Eric, qui va vous faire une extraordinaire émission sur Johnny Hallyday, qui se passe en 1964. Mais quelle bonne idée de choisir cette année-là. Il y a 60 ans déjà. Oh, qu'est-ce que ça passe vite. 1964, c'est une année de légende. Et cet album est légendaire. On s'en prend 3 doses. Sgt. Pepper, Lonely Hearts Club Band sur RIG. Introduced to you, the acting number all these years, Sergeant Pepper's Lonely Hearts.

plasticine pauses with looking glass time. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with colliders go by. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds. Ah. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds. Allez, on va essayer de finir à l'heure, donc voici le dernier extrait de l'album de la semaine, l'album Pipes of Peace, et le titre Through Our Love sur RIG. Paul McCartney. We wasted time and again on things we already knew. Fun to do. I give my love. Whenever you get some time, whenever you get some time, I'd like to roll it all up in a ball and spend it with you. You've got the power. We can go through our love. We can do things that they said were impossible. Through our love, we can do all that we want to do. We can go through our love. George Harrison, That's What It Takes et The Rising Sun. Et puis on finira par un Ringo Starr, le dernier. Thank you. like forever. Then we're gonna be taking all the chances. And it's here and now. No tout ce que tu as fait pour nous. J'espère qu'on trouvera les petits bouts de chansons que tu as laissés à droite et à gauche dans ta demeure et qu'on en fera d'autres volumes. On se quitte avec le dernier, le nouveau, parce que dernier, ça voudrait dire qu'il n'y en a pas d'autre. Le dernier Ringo Starr, le nouveau Ringo Starr, February Sky sur RIG. Avec des guillemets. Eric, dans quelques secondes pour sa fantastique émission Johnny de A à Z. Je vous souhaite. Le 1er mai, ça tombe un mercredi. Le 8 mai aussi. On se retrouvera dans 3 semaines. Ah oui, parce que j'ai demandé à. C'est une première, ça. Oui, c'est une première. Et puis surtout, tous les 7 ans, à la limite, et encore avoir les années bisexuelles. Et surtout, j'ai demandé à la patronne, j'ai dit, est-ce que tu doubles mon salaire pour le 1er mai, 8 mai? Elle m'a dit non. Bon, on n'est pas payé, on est. Mais tant pis, quoi. Hein. Allez, on se donne rendez-vous dans 3 semaines. Écoutez les podcasts pendant ce temps-là. À très très bientôt. Je sais que vous êtes entre de bonnes mains et de bonnes oreilles. À très bientôt. Ciao.